Comment le premier tsar de Russie est devenu Ivan le Terrible. Le grand prince de Moscou, Ivan IV Vassilievitch, né en 1530 et mort en 1584, devint le premier tsar de Russie en 1547. Il doit son surnom d'Ivan le Terrible à une erreur de traduction, puisqu'en russe, il était surnommé Groznoï, ce qui veut dire littéralement « le menaçant » ou « le redoutable ». Il est considéré comme le fondateur de la Russie moderne, en raison notamment de ses exploits militaires. Mais lorsqu'on consulte sa biographie, on est en droit de penser qu'en le qualifiant de terrible, les traducteurs français du XVIIIe siècle ne se sont pas vraiment trompés. Tout au long de son règne, Ivan IV a commis en effet un nombre incalculable de crimes en tout genre. Ses contemporains racontent qu'il prenait plaisir à visiter ses cachots et les lieux de supplice pour écouter gémir et hurler les prisonniers soumis à la torture, aidant les bourreaux dans leur besogne, jetant parfois lui-même des enfants dans les griffes d'un ours pour se délecter de la façon dont ils étaient dévorés. L'apogée de ces crimes eut lieu au début de l'année 1570 lors du massacre de Novgorod. Convaincu que les nobles de cette importante ville russe l'avaient trahi, Ivan IV et sa garde prétorienne égorgèrent tous les jours pendant 5 semaines 500 à 600 de ses habitants. En novembre 1581, alors qu'il venait d'assassiner son propre fils, Ivan IV écrivit une lettre au roi de Pologne, lui reprochant de ne pas se conduire en chrétien mais en barbare, d'agir en chien et de se délecter de sang. Apparemment, Ivan IV n'éprouvait aucune culpabilité face aux crimes dont il accusait les autres alors qu'il passait son temps à les commettre lui-même. Un retour sur son enfance permet d'éclairer la personnalité d'un personnage que les psychanalystes présentent comme un paranoïaque mégalomaniaque à la cruauté et aux traits de perversion très marqués. Dès sa petite enfance, la mort successive de son père, de sa mère et de la nourrice qu'il avait élevée, le laissa quasiment abandonné. Dans une lettre, il raconte comment lui et son frère Youri furent élevés dans la honte et la misère. Lui, qui était appelé à succéder à son père, vécut aussi constamment dans la crainte des complots au sein d'une cour où régnaient la violence, les crimes et les empoisonnements. Toute sa vie, Ivan porta la marque de ses premières années écrasantes et terrifiantes, de même qu'il fut constamment hanté par le sentiment d'une solitude absolue. Ceux qui l'ont connu affirment que ses tendances paranoïaques s'aggravèrent après son couronnement comme tsar de toutes les Russies. Dans un testament rédigé en 1572, il se décrit comme un être errant, menacé de toutes parts. « On me persécute. » On me chasse de mes terres, je suis perpétuellement et partout en danger. Il en vint même à se persécuter lui-même en se traitant de cadavre hideux à voir et de chien puant. Pour tenter d'échapper à ses angoisses et à ce lancinant sentiment de persécution, Ivan IV choisit d'haïr le monde qui l'entourait et de s'en faire le maître terrifiant. Il s'identifia de plus en plus à sa fonction de tsar tout-puissant en pratiquant ce qu'un psychanalyste a appelé la néantisation de l'autre.